Una vegada més, obre les seves portes aquest espai per tots vosaltres. Hola, la Music. Programa número 75. Hola, la Music amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes amb aquest espai de música variada en el dia d'avui de Hola La Music. Són una sèrie de programes que us realitzem perquè és l'època de l'any que nosaltres fem uns dies de vacances i per això és aleatori el programa amb una selecció musical de diferents tendències, estils, artistes, països que ens acompanyen al llarg de tots aquests minuts. I no ens agrada perdre molt el temps, sinó escoltar molt bona música. Per cert, doncs començarem amb Francis Cabrel. I un tema que es deia Samnissou, La Terre, és una de les seves peces que hom podria trobar dins aquell àlbum L'Essencial que va publicar el 2007, que es va publicar l'any 2007. Comencem doncs amb aquesta cançó i en seguiran moltes més amb el programa d'avui. Chanson, comment dirais-je? Il arrive, elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après, c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement. Samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frappent. frôle et ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Ils sont obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après, c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement. Un samedi soir sur la terre. Pas la peine d'être plus précis. Cette histoire est déjà finie. Oh, on en ferait autant si c'était à refaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Samedi soir. C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono et moi penché sur mon piano comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique le matin même, à la santé. Un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elles composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup. Ils lui ont dit d'un ton doux: c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui. Il n'a pas pu, il a pris une cigarette. Sur mon travail tombait le soir, mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano, paroles et musique de personne, et j'ai pensé à ce salon au sang lavé sur le pavé par ces bourreaux. Je ne suis président de rien, moi je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien, et je ne prends pas de pause pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins, commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Chacun son tour, ça n'est pas drôle. Il donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand noir protège sa mort des regards. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence, c'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné. là où finissent les impasses, au fond des miroirs, au-delà des glaces. Je sais pas, mais est-ce que tu me suis? Je vais là où les pentes sont plus raides, je vais là où l'on ne sait pas le tiers. Ouh, je sais pas, mais est-ce que tu me suis? Suivrais-tu dans les nuits d'encre quand le phare est éteint? Tu n'avais qu'à prendre ma main. Suivrais-tu dans les vies sombres où tout brûle et n'est rien, tant que tes yeux chercheront les miens? Je vais chercher mes îles et mes trésors. Où sont-ils? Je ne sais pas encore. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors vous suivez tous. Vous avez raison, la maison. La música ens ha acompanyat aquests darrers minuts i ho ha fet de la mà de Francis Cabrel amb el primer lloc i el tema en directe que escoltàvem. La seva música estava entre nosaltres, Sammy Dissois sur la Terre, i també en Julien Clerc i el seu L'assassin assassiner. Ja ho heu vist, Julien Clerc, l'artista també nascut a París. I Florent Pagny amb el darrer dels temes que acabem d'escoltar ara mateix. Segueixes al nostre costat, seguim amb bona música, seguim amb protagonistes diferents. Doncs bé, ara és el torn del Leo Ferrer, també un dels grans artistes de la música francesa, nascut el 1916 i que ens va deixar el 1993, un excepcional director d'orquestra, també francès, i que va néixer a Mònaco. L'escoltem també amb ell, des del disc 2 de Vergetem, que es va publicar l'any 1960. A mes oiseaux piaillant debout chinés sous les becs de la nuit, avec leur crêpe de coutis et leur fourreau fleuri de trous. À mes compagnes du père assis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des pernaux minuit, à l'araignée la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à Bec d'Azur du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnights à moitié vert, chez un bistre de ses clients. Au spécialiste du chkoumoum, qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie blonde Entloun, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui deux sous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller. Maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement quand tu maxes, tu belles à tout va la chanson. Tu n'achètes plus que du vent. Encore que la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui est nuit en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé 50 berges dans les flancs et tes chiens qui mordent dedans le poterie de l'amitié. Un poète absent des pieds, on lave pas la poésie. Ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le nouveau monde. Des mots venus de l'autre côté de la rive. Des mots tranquilles comme mon chien qui dort. Des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi et chargés de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de péché, de tabou, de vertu, de carnaval romain, des draps cousus dans le salas et dans l'objet de la policière voyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Rita Ayward, Monsieur l'abbé Bébé Fricotti, Fricotta. Et nous ferons des prières inversées. Et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne des mots des querelles du qu'en diront-ils. Mais du je fais quand même mes cochons c'était en toute quiétude sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité, Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes, I am an immense provocateur. Je vous l'ai dit, des armes et des mots, c'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est râper vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râper, messieurs de la romance. Nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Les chiens, quand ils sentent la compagnie, se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous les chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches, comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez, blancs comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sont dans la compagnie, ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire même. Et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien. Sur la table du salon qui brille comme un soulier, y a un joli napperon et une huître cendrier. Y a des fruits en plastique vachement bien imités, dans une coupe en cristal vachement bien ébréchée. Sur les murs dans l'entrée, y a les cornes de chamois pour accrocher les clés. Claque à vous, on va pas. Les statuettes africaines côtoient sur l'étagère les petites bestioles en verre, saloperie vénitienne. C'est tout petit, chez la mère à Titi, c'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui, c'est la mort, c'est la vie. Y'a une belle corrida sur un moche éventail, posé au-dessus du sofa comme un épouvantail. Sur la dentelle noire, y'a la mort d'un taureau qui a du mal à croire qu'il est plus sous Franco. Y'a une pauvre vierge, les deux pieds dans la flotte, qui se couvre de neige lorsque tu la gigotes. Le baromètre crétin dans l'encre de marine et la photo du chien tirée d'un magazine. C'est tout petit. Je crois que c'était le grand Mône, près de la marmite en cuivre. Dans le porte-journaux, en rotin, tu t'en doutes. Y'a nous deux, le Figaro, le catalogue de la redoute. Puis au bout du couloir, y'a la piole à mon pote, où vivent ses guitares. C'est tout.

una aturada musical al 1967, després de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, una aturada musical que ens aporta la música de Juliette Gréco amb aquesta peça que acabeu d'escoltar, però també que tindrà com a protagonistes a Pierre Luqui amb una altra de les seves cançons i també a l'Anne van der Loop, que ens acompanyarà en la propera de les cançons d'aquest espai. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le surveillant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont accueillants. Quel que soit le vent, les nuages, les fleurs y poussent fraîches toujours. Pousse dessus la fleur de l'âge, la fleur de l'âge des tambours. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le lieutenant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont avenants. Les allées sont larges et sûres, on y trouve silence et paix. Le gazon y est sans blessure, et la visite a peu de frais. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le combattant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont déroutants. Et le vieux gardien qui arrose les roses vivantes à ses pieds dit que ça n'est pas toujours rose que de vivre au pied des troupiers. Les cimetières militaires, pardon, monsieur le revenant. Les cimetières, pourquoi le taire? Militaires sont inconvenants. On dira que je suis coupable, on me traînera dans la boue de la Normandie en Champagne, mais tant pis, j'irai jusqu'au bout. Les cimetières militaires, pardon, messieurs les braves gens, dessous leur terre cachent mes frères. Braves gens, soyez indulgents. Porte comme

rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.